sont bleus. La solitude va deux par deux. T'as vu comme ils ont le cœur lourd, tous ceux-là qui chantent comme des sourds. Les paradis de la petite fumée, de l'autre côté des portes fermées, sont comme des jardins endormis au bout des gestes de l'ennui. De grandir comme on refuse de mourir. L'entends-tu dans la nuit qui dort se plaindre de son mauvais sort? Passer la nuit, les oreilles pleines d'écouteurs, pour couvrir le bruit de son cœur. Ces clochards qui tendent la main dans le noir pour quémander du pain, du vin, tout en sachant que c'est en vain. Ventre affamé n'a pas d'oreille, ventre plein, c'est un peu pareil. S'ouvrir pour apprendre à tout accueillir. Les anges gardiens se désolent de nous voir marcher sans boussole. Il suffirait de demander pour faire crever ces bulles d'acier. Que l'autre, c'est soi, que de bonheur il y a droit.